nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Bonjour, c'est bien sur RKP pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Garyou Arvué, mais aujourd'hui, c'est quand même une émission anniversaire puisque c'est la 400e Père Ram. Oui, la 400e émission, ouais, depuis qu'on a commencé à faire Hentar Brezhoneg. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai pris un mot qui siège en constance, Burzut. Burzut qu'on traduit en général par miracle. Mais en fait, c'est un peu un miracle hein, d'arriver à 400. Et donc, Burzut, c'est un mot qu'on entend souvent, hein, qui était peut-être moins maintenant qu'autrefois, parce que c'est un mot qui était surtout utilisé dans le domaine religieux, hein, dans le sens de miracle, effectivement, mais qu'on utilise aussi dans le domaine général, dans le domaine habituel, hein, pour dire quelque chose de surprenant, un prodige, quelque chose d'inattendu. Voilà. Donc, Burzut, alors, c'est un mot qui, selon Albert Dehaye, aurait pour origine le mot français « vertu », qui est passé en breton, et alors, il y a eu un rétablissement du « b », parce que, alors c'est un mot masculin mais qui parfois est féminin aussi quoi. Donc Vurzud, hein, donc si on prend la version féminine, et ce qui fait que quand il n'y a pas l'article, on rétablit un B, comme pour Bélo, hein, Urvélo, et puis on rétablit un B artificiellement, si on peut dire, pour que ça marche avec la langue bretonne. Mmh. Et donc, voilà, donc le mot vertu a donné le mot burzut. Aurait donné, parce qu'il y a d'autres explications, mais enfin, c'en est une. Alors, donc, ce mot burzut, donc, on le traduit en général par miracle. Le miracle, alors, le miracle en français, hein, c'est aussi un terme plutôt d'origine religieuse, hein. Miraculum en latin, hein, donc c'est quelque chose qu'on admire, hein, c'est d'ailleurs la même racine que dans admirer. Et donc le miracle, c'est quelque chose de très constant dans la religion chrétienne, hein, puisque et dans l'Orient en général, hein, Renan disait que un sage n'est guère considéré en Orient s'il n'est pas un peu thaumaturge. Le thaumaturge, c'est celui qui fait des miracles. Le faiseur de miracles. Ça, c'est un mot grec, par contre. Et donc, par exemple, pour canoniser un saint, il faut qu'il y ait eu, après sa mort, des miracles en l'implorant. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose de très courant dans la religion chrétienne. Et également dans les traditions populaires, hein. Si bien que ce mot burzut, on le trouve beaucoup dans les cantiques, hein, et parfois même dans le titre. Hein, par exemple, je pense le cantique « O pebeus burzut de Welland ».« O pebeus burzut de Welland, in Bethléem pas irédant ». C'est un chant de Noël. Hein, quel miracle je vois quand je vais à Bethléem. L'enfant « Ur bugel war ur plus kousket », hein, l'enfant dormant sur la paille, à tal des ans, il vante d'aulinette. Et à côté de lui, sa mère agenouillée. Donc, et dans plein de cantiques, il n'y a certainement pas de cantique où il n'y a pas ce mot-là, burzut. Hein. Alors, le pluriel, c'est burzudou. Hein. On trouve souvent dans les cantiques aussi, hein. Par exemple, un cantique à la Vierge. Hein. Ioberou, iolvu, et eusolane, burzudou. Donc burzudou, hein, au pluriel. Et puis il y a également un adjectif qui est burzudus. Hein, donc les adjectifs qui se terminent par us comme ça sont souvent dérivés d'un substantif et désignent un effet produit. Là c'est miraculeux en fait ou prodigieux, enfin hein, burzudus. Hein. Et alors c'était ce mot, mais ce mot est très très employé, était très employé, hein, burzut. Par exemple, dans son histoire du Guillaudet, l'abbé Lemaine, là, qui était à l'époque qui a fait un bouquin sur l'histoire du Guyaudet en 1905. Il était à ce moment-là curé doyen de Calac, personne canton, on en a parlé l'autre jour. Et il a écrit un bouquin sur le Guyaudet. Et alors il raconte que lors de la première procession au Guyaudet, avant la construction de la chapelle, donc il y avait l'abbé Grégoire Raoul, le recteur de Botoa, qui était devenu aveugle et qui a retrouvé la vue à cet endroit-là et à la fontaine, et les gens disaient « Burzut, Burzut », quoi. C'est pratiquement le seul mot en breton qui est dans ce livre. Hein, donc, mais voilà, les gens disaient « Burzut, Burzut », quoi. Miracle, miracle. Et il y a beaucoup d'expressions en français aussi, hein, « crier au miracle », voilà. Et donc, en breton, on va retrouver « Burzut ». Alors, il y a aussi un adjectif « Burzudek », mais que j'ai jamais entendu prononcer, hein. Nous, on disait toujours « Burzudus hein. ». Mmh. Et alors, en breton, alors c'est pas tout à fait... C'est pas seulement le miracle, hein, c'est aussi tout ce qui est un peu inattendu, et même un peu les aventures de quelqu'un d'extravagant, « Burzudu hein. ». Il y avait par exemple un surnom, « Yander Burzudu hein. ». Pour quelqu'un qui arrive plein de choses. Qui est un peu extravagant et qui... c'est un peu le synonyme de Troyouker, hein, pour les aventures de. Il y a des bandes dessinées qui s'appellent Troyouker, hein, je pense à Troyouker Brouzik, là. Hein, donc voilà, c'est un peu les aventures, quoi. Voilà. Eh ben, on va s'arrêter sur ce dernier miracle, au Burzut. Donc on passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps m'attend. Deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps m'attend. Donc pour la 400e, Henri va revenir un peu sur les 400 émissions qu'il a fait de Hentar Brezhoneg. Oui, alors finalement, 400 émissions, ça commence à faire. Hein. Et donc, c'est une émission qu'on avait lancée il y a maintenant presque 10 ans. Et donc avec Josette Duvivier au départ. Et donc le but de l'émission, c'était de donner envie de c'est pas un cours de breton, mais c'est de donner envie aux gens d'apprendre ou de perfectionner leur breton en donnant des explications sur les mots du quotidien, guerrier revue. Et puis on avait imaginé un village où tout le monde parlerait breton, quoi. Zantolek, hein, voilà. Alors Zanto, le lieu existe, hein, c'est un carrefour sur les routes de Trémargat, Lanrivain et Pemrit, donc au confluent de ces trois routes là, et c'est là. Alors ça m'a, j'avais un bon souvenir de là parce que c'est un endroit où on prenait l'autocar pour aller à Saint-Brieuc autrefois, l'autocar de Baptiste Offret, donc qui passait tous les jeudis, quoi. Et donc, comme j'avais de la famille à Saint-Brieuc, j'allais passer 8 jours, je partais un jeudi, je revenais le jeudi suivant. Donc, il y avait un souvenir, et puis j'avais toujours pensé à ça, quoi. Bon, c'est assez rare qu'un carrefour s'appelle d'un nom comme ça. Mm. Hein, c'était Kreuzhenzantol. Et donc, ça m'avait donné l'idée de faire un peu un village comme ça, d'imaginer un village comme ça où tout le monde parle breton. Et alors avec des personnages, hein, bon... Tous aussi insolites les uns que les autres. Voilà, des personnages, hein, il y a le maréchal Ferrand, il y a le recteur, il y a l'instituteur, la mairesse maintenant, depuis les dernières élections. Voilà. Et donc on avait commencé comme ça, et puis, ça a continué. Et la troisième partie, c'est une chronique, donc, en breton assez facile, pour des gens qui ont suivi des cours de breton, par exemple, pendant 1 an ou 2, et qui commencent à comprendre. Donc, je m'étais dit, ce serait intéressant de faire une petite chronique pour, où on parle un peu d'agriculture, d'économie, de culture, un petit peu de tout, quoi. Voilà. Alors, c'est un peu une œuvre collective, c'est pour ça que je voulais aujourd'hui remercier un peu les gens. Donc, j'ai cité Josette Duvivier, donc, on avait commencé l'émission en 2004 et Donc avec elle, j'ai fait à peu près 80 émissions avant que le relais soit pris par Morgane Large, avec qui j'en ai fait pas mal aussi, et puis après avec toi, avec Anne Le Brigand. Voilà. Et alors, il y a d'autres personnes qui ont participé, bien sûr, puisque en particulier pour les dialogues, on a des voix comme ça de gens qui jouent des personnages, hein. Qui jouent par exemple Peau de Radio ou Plard Radio. Hein, donc bon là il y a eu encore Morgane qui en a fait pas mal, Marie-Laure Gros, hein, Marie-Laure donc qu'on a entendu dans pas mal d'émissions faisant Plard Radio ou même d'autres personnages, Jean-Pierre Guader qui a souvent participé, Christian Rivoilan aussi, donc qui a eu l'occasion de faire Peau de Radio aussi souvent. Tugdu Alcarluère, donc qui a apporté un peu d'accent trégorrois dans l'émission, voilà. Je voudrais remercier aussi le technicien de l'affaire, comme dirait Gérard Guarin, l'ami Bruno, hein, donc Bruno Blanchard qui des fois s'arrache les cheveux quand on est un peu trop bavard. Alors, il faut trouver un système pour raccourcir, jouer sur la musique, voilà. Et puis alors, donc en fait, toute l'équipe de RKB a eu l'occasion de participer, hein, à un moment donné ou à un autre. Et puis alors, il y a des gens de l'extérieur qui... de l'extérieur à la radio, mais c'est une grande famille la radio, personne n'est vraiment extérieur. Donc, on parlait tout à l'heure du maire qui a été remplacé par une mairesse, donc Mike Hermélé, donc qui est joué par Micheline Blouin, donc de temps en temps, en particulier au moment des vœux du maire, hein, voilà. Alors d'autres personnes qui sont passées comme ça, Guénola Coïc, par exemple, hein, je l'avais attrapé une fois comme ça, qui passait par là et qu'on a embauché. Anaïk Lenaou, qui a dû faire une ou deux émissions aussi, Sabine Kergouat, qui venait à la radio à un moment donné, parce qu'elle travaillait avec ses élèves, hein. Voilà. Donc et qu'on avait sollicité, Lan Tanguy aussi une fois, qui a fait il a fait plusieurs émissions sur où il tenait le rôle de Fanch Penquat, le bistrotier de Zantol. Alors c'est marrant avec Land parce que il improvisait quoi, il en rajoutait, c'était assez étonnant comme un vrai comédien. Quoi. Ah oui, un vrai comédien, oui. Un bistrotier plus vrai que nature quoi. Voilà. Alors il y a eu peut-être d'autres personnes, hein, j'espère que je ne vexerai personne parce que j'ai pas repris toutes les 400 émissions, hein. Et puis bien sûr pour terminer les frères Morvan puisque le générique est assuré inlassablement par les frères Morvan, hein, maintenant, donc, qui avaient accepté dès le départ de faire l'introduction, quoi. Et c'est devenu presque le symbole de l'émission, quoi, cette introduction-là, quoi. Voilà. Donc, voilà. Puis, je pense qu'on repart pour une nouvelle série maintenant, hein. Et voilà, on va poursuivre, hein. Alors, je remercie aussi les auditeurs, bien sûr, hein, parce que très souvent, je rencontre des gens qui écoutent là, hein, qui écoutent les émissions et qui sont satisfaits, quoi, bon, voilà, d'entendre un peu, surtout les explications, hein, plaisent bien aux gens, les explications de mots, quoi. Donc voilà, c'est sympa. Ben, c'est à nous de te remercier, Henri, pour voilà. Tout ce que tu nous apprends. Ben, oui, on se remercie mutuellement et on va poursuivre. Très bien, on passe à la troisième partie d'émission, Petra Zonévé-Hervrault. Troisième partie d'émission, Petra Zonévé-Hervrault, Eri. Ah, Kalsedra, Uzo, Névé-Hervrault, Bouervé, je dis Ouzan. Krogum ne tient tant vel qu'ils accustument, Gandala, Bourdoua, Agarvue et Wararmes. Ayons vraiment, créé un disque à Ramzor, Pévola, Ramad, Ag, bon, chôme des clous à Ramzor, Beta, vraiment, sais-tu? Da skouer e bezer an mat ur maiz, hein, peut dire oa bra an amzer, hag bon an trouz o tramen an mat. Me hendel oar, oar dach an lao bourdouar zo kal ze gudenou, ur mar eman, hein, da skouer gant ur stali ou evel gad aze, hein, zo bern gudenou, peut dire ve kasse de mort l'ar ou ba broyowel hag dis vid an tilaz an gad ba lampol kimilio aval tre an trou. Bon, spimeus ma trezen vo kavel an disklum benek, et kom zavet de ze, met an ekez ur vo kavel an disklum vin miro de stal la hambor. Bon, kal zereuz ezo ur mar eman gant war an nech oa gant tamm pe bler gant un taill ezo hant de nekotax. Hag zezo an dra zouez uzoar, putur an nekotax oa bedijinet gant un emvod vije haunet, zo be haunet Grenelle de l'environnement, hein, Grenelle en endro, hag vote debet ba amzer Sarkozy, a hat kemer ad waler ba amzer Franche Hollande, c'est u halfen nen jonjal, et watoun an du. Hag vraiment, neus ke moyen de gade politik urbet hag zo a du gant un tax breiz amant. A gouskoud e kaz da zare neus vote pe oa bekish en vote an evid an taiz. Set un draouz o fent izoar an tamm. Bon, gwell vo pe sa mod vo kon, met zouez izoar e gavan e bet an kwavet gant kal ze du de oanye du de jentan tout. Bon, tramel di bremañ voar you, hein, voar vulad hag voar djerien hag a zezo be kal ze djezeg a kal ze dut. Bon, vo gel oa mur voar yo, peut dire oa voar plij di roaz a voar l'arion goz. Bon, reiz deus reiz neus ketin. Voar l'arion goz oa de no mis here, no oa deus mis here hag voar plij di oa de neil mis du. Bon, me chomera voar vulad a voar djerien a kal ze dut ve o ton de voar yo ze. Voar dachen ur politikerez, bremañ. Kroge un traoù de virvi un tamm, bremañ, war dachen ar vot adegou, peogwir ba mis meurs vo gret vot adegou vid paroujou. Hag, bon, kroge un traoù de virvi, da skouer ba boulvri hag Yannick Botrel neus lar de wak de hond de radroi. Bon, l'er hel, ma yo hot az un tamm de vel pe sa mod dre yo navel. Hag, bon, tamm a tamm vo gwell eze. Ur vejman n'an ket de gomskar kalz l'ar deus l'économie, eus pu dur zo kalz e draou war dach en eus evenadur. Hantar kant vlaso, ba mis heri, oa et de nan an, Edith Piaf. Ur gant er eus a oa brudet a jonjman meus deus un desse, pe oa mar Edith Piaf, pu dur un desse, jusman oa un tramen direk izi, hag oa o neub a zi oa ba Paris, hag oa o neub tud bod daz, o an trop atud mamez, a moa goul gant epet oa hag oa laretin ba oa mar e dit piaf hag an dud oa enant direg an ti. Hag oa l'er meus klev de virion e oa ke mar ba Paris, me oa bedigaset, oa mar ba za reiste a oa bedigaset. Aze a laret oa mar ba Paris. Hag, bon, de houlse moa seite glan, hein, mais jongemad meus de se. Hag, pe oan yo ang jusmad vije kan de obern, kan a wen ou Edith Piaf, da skwer pe vije honneur ad penek vije der mad, o nan, ba, deus un fami, pe deus un mignon, o kan o dra benek deus Edith Piaf. Hag, jongemeus ma meus o vij ban honneur ad, oa ben on den hag gane la vie en rose en brez an deuk. Ni oa tro et la vie en rose, pe on gant ar me mestrez, on ramne ket dis, quoi, moa kalt ze bras pontus. Oa ranket, me meus ket jonge pi oa na pe apes a euret, ma trezen zo nan benek, o chilo han on ma oa feze, gant pi oa bet tro et de brez an deuk la vie en rose, quoi. Mais de houls, bon, evel just, hein, et dit tiens voix brude dans on tombe pebler quoi bon pion de comps de scandowin ou de son eras tramène des vraiment alors guel vide très grande la rkb ag milardar et becker entre ou bon de diane tantou de wa igora dur un disco exact de fotoyou hag zo fauteuil ou kerz, zo begret ar gant podio, hag le gret, hag bon ze oa ba un disko ezad, hag zo oa belaket ba, ba un ti pe bazan lenn ur road ba tiar grist, ba prespital ma peuswant, prespital koz, hag bon ar zo bezel de zo fauteuil oa, oa d'un gonte a hag oa l'air zo bet diskour, yo gant politik kour, yo gant bon gant Yann Pierre de Redel, jantan hag gant politik kour, yo na tud vel lena louarn hag zo bet kall zo gomp chou flour, vise, quoi. Tout d'un oa kont an benefin, oel RKB ne spad deja pa tregond la. Pez oa ke zur de jantan tout, pe oa bet krouet. A Walerzi, zo bet d'or pezoar e Ventus, de tro en diwar Shakespeare, quand Sylvain Botrel hag mar Hélène Morvan eus tro en diwar Shakespeare, ur gomedi en mil luchet, a oa Ventus tre, a rezo bet plijad ur mil ardar, a roaet gant strolat kalak, hag zezo bet d'or gwal vrao. Bon un deo a l'erna un oa de zadon oa fez di a fez donz hag bon a rezo be de klev de kalz gant erien a zon erien a oa tregond la trede on an yo man gant on an koz quoi hag bon ze zo be de trouz oezu zo be d'un vel da skoer Henri Morvan o kan an gant alandrouz bon Rémor van in que la costume de grand de grand tidel a ze oa ze oa bra ou tri quoi hag a ze zo bet kalz oblija dur un bon a oa l'air na un de oa l'air oa un arve cinéma ba kalak de zul a gen oa l'un chougez al roas a non si tram de mode tout un trou bon wardachen un ze vena dur hag de a blaio ve der mode hein, en mode preis bon diabla ur fals au ur gevridiges a oa becrou de ba milno hantri a tregon gant Yann Zoyer Yann Zoyer oa meskol oa ket de ze vrol erve kom ze brezon nuk hein, mais disque oa bet an brezon le gant an a oa meskol ba plou rivo hag neus pezvelan plou rivo in galag hein. Hag ni oa krog de zis ki brezon neuk d'ur vugal e baskol. O nan eus ur etian tan oa gretze. Hag bon, j'y oaz mar oa abre d'un Jean Soyer. Ha setu oa rog brezel oa mar, oa l'er brezel e be razav de ur strolad ur valz gant tud vel Charles Egal hag André Mercer. André Mercer zo hanne mad bavro, putur e ben meskol pa pel ba gronvel, a neus begret kalz dra viz e venadur ur vro. Bet en rol et pladen ou o bern trou, skrivet kan oen ou bon vid ur vugal e baskol, hag e be radlans dis ur fals, hag ur fals neus begret kalz staj ou oa l'er brezel un staj ou l'er vije kalz dut, o tis ki brezon eo petan mant tientor au cas au brison de Warog hein peut dire tu dois avoir un brison de déjà hag Roas Vegred hein stage ou grandeur valse puis dire blanc ma war stage ba carrez hein bon c'est tu diabla lawn IV de strolador valse Hendel bon calze drauzo de l'art de bavro ba marme kalz un gentel yu brezon eo vegret, bon, gwellar an un tamm eo pebler, ar, zo ba zan Nikola, zo ba kalak, zo ba rostren, an tamm eo pebler veget gentel yu brezon eo, mais an zo tro pem mil dud, du deud, hein, otis ki brezon eo, dre gentel yu non, dis, a ze zo an dra vat, pe ve komse deus brezon eo, an dra el, oas, an dra fentu zo bet an del, ba, comme un député, comme Jacobine, ma personne, Paul Molag, a zé zo député de ze Morbihan, de Ploermel, hag un deus gret ur Brezegen, vu de war Bob Sotrow, hag videchu ne skomp se brezhonek. Hag Marc Le Fur, oa kazen den trou en desse, bagan, hag neus respondet dan in brezhonek. Hag bon se zo zo ez uzoar, hag bon brezhonek zelta, ba kamp jacobine da. Ma vie j'ai bed rewan, pe sa vod emil kon, ba zan e j'ai bed huche da, a lak de symbol ne, dro de houk vel vi. Vel vi j'ai gret d'ur vugal e gwechel bas kol. Med bon remen en kebet ur symbol de ze velan. Hein. Bon. Hendel, bon trou pli juzo, a trou dis pli juz, a trou dri so ive. Un DL oa et un anan de Jean-Pierre Elien. On din guinig de ze boulevriag a zo gwalhan, gwalhanave de vel just ma gwengam, pe dur oa president ur gwel zanloup. An eus bet bon oa bet meskerin eus bet krou et bag at gwengam. An eus bet gret kalz a draou vid ze vena dur ur vro. Hag eus oet en an an, bon oa ke gwal go oz oaz. Met gout ur am oa klan, setu vraiment bon Jean-Pierre Elien, eus oet en an an. Vid rad don oaz war ze vena dur ar ur film hir zo bet gret nevezo. War au film hier en Brezhoneg, zo hang le land vras, kleve peze, hag bon zo ur film ka Alice ve gret film au ber, me hem zo film hier, o long metraj, vel fel ar, la vo disque den dun ba zal yo ur vro, hag bon zez on dravad, gwell en hawa ve gret beb sortrog an ur Brezhoneg. Pudur on kom ze stud de ze vro, am, On den a zo an avet mat, ba vro e Jeff Philippe, pe Jeff Vulu, ba ve fel ar din brezhonek, hag zo be hang veud un DL, ba ilis ve ur zambriek, zo be hang, gant notre ou moutel, zo eskop zambriek al andrega, zo be hang veud a vieler, petan man vi vel ar din gala, vel ar diakre, de zo nan, deus ur ger grecianek, vi l'ar de ur gervige, Hag setu bon Jeff Vulum na han labour o endro de parouz boulevriak. Hag bon vo gwell ar oaz. Bon, kaz e draoù neus begret vid zevena d'ur breiz deja. Hag bon, kendel ar a eganze. Hag an de religion an evel just, pe dur bremañ man mesk un dud in kark de ze religion. Bon, Hendel, Bavroz, o roaz, un DL, oa bet Igor loar un ton de braz, ilis tre malgat, zo bet rad stumet, un dool zo bet rad gret, hag oa Igor loar un ton de braz gant un deskop, afin, divezje bet Igor et Benefin, or vech gant Barouz, de Gwenar, hag oa l'air gant un deskop de Zul, Hag an se bon, zo bet kalz e dud batre malgad, hag an dud oa kontant gwell d'vo hadigor de un ilis vid ober overenou, me vid ar trawel ar vech tou zon adegou a bob sort trao. Diskouez adegou ma trezen, bon. Bon, setu mem gren un tamp tro bavro, hag ben vech elvo gren hoaz.